rentre avec un BEP de vente de substances illicites, ressort avec un doctorat de vente d'art. Rap sous tes niveaux d'études, monte à couleur tarpée. Misogyne, peste, toutes les origines camouflées. Laïdoc, bar 16, 7 cicatrices sur le torse. Ken, fiche à l'aide de la préhistoire. Mon effigie sur le drapeau corse. Rarissime, mais la barre, on rajoute une couche. Tu peux appeler les bloods, tu peux appeler les crips. Roule ma poche, j'ai un boss à RGNT dans la chienté. J'fais du bif au Roscoe. Quand le temps s'assombrit, les gens s'appauvrissent. La vérité vient du prophète, continent d'Afrique. Dans le faux depuis la naissance. Santé fragile, tisse pour m'évader la réalité, me check. 17 milliards sans qu'on va devenir une jet. Parce que c'est nous la rue, incomparable. Dehors après minuit, c'est retrouvé l'étude. Au final y'a du bif, garde distance. Des nos fabuleux gang, tu peux venir une jet. Parce que c'est nous la rue, incomparable. Dehors après minuit, c'est retrouvé l'étude. Au final y'a du bif, garde distance. Des nos fabuleux gang. J'arrive de façon fracassante avec une équipe alléchante. Aussi la ghetto fab, ouais c'est Kerr, on débarque là. Une équipe rarissime, Sean Kerr, rarissime. Featuring Luxen, ça c'est partisan de Palestine. J'suis pas né millionnaire et j'ai pas gagné au loto. Fils d'immigré au mic, aka le roloto. Mon terre-terre c'est le rap, les potos des mamans jeux de jambes. Tu crois que j'suis Ahmad parce que j'ai pas diplômé, pas de job. Regarde-moi, bien, échauffe les évolutions. Écoute tout l'album, ça c'est mon bac avec mon son. Réussir, ça c'est passé, voilà c'est le mecto. Du respect pour toi-même, pour la famille, ça c'est mieux que tout, qu'est-ce que tu crois. C'est pas un bout de papier qui fera ma fierté. Pour ça me payer après 30 piges dans CNT, rien à foutre. Un degré, bachelier, diplôme. Pour m'en sortir, il faut que je roule sur les dettes. Tu peux venir une jet, parce que c'est nous la rue. Incomparable, dehors après minuit. J'ai retrouvé l'étude, au final y'a du bif. Garde distance, t'es nos fabuleux gang. Tu peux venir une jet, parce que c'est nous la rue. Incomparable, dehors après minuit. J'ai retrouvé l'étude, au final y'a du bif. Garde distance, t'es nos fabuleux gang. Y'a pas de bac, pas de brevet. Suspect le quartier, manque de respect à l'école. Comme nos buts envers les tasse-pés. Ça va en cours dopé. Écoute cette putain de six cannabis, vite le hey. Ça kiffe que la récré, négro. Trace à la craie, la silhouette du diplôme en gros. Ok, j'ai quitté l'école de plein gré. Les CPU ne supportaient pas mes 93 000 degrés. Toi gros, j'ai ce putain de PAC, diplôme de mes couilles. Pour financer ma daronne, le loyer, j'ai dû noyer les profs. Des graves à mon compte, faire du pif dans les cages d'escalier. Qualifié pour viser la qualité seulement. Armement dans le ciment, pas de cinéma, pas de sentiment. 9-3 cinéma, tu, sans diplôme, j'fais ta thune. Pas des tubes, Palestine pour Luxen, qui est au plan de game. Parce que c'est nous la rue, incomparable. Dehors après minuit, j'ai retrouvé l'étude. Au final y'a du bif, garde distance. T'es nos fabuleux gang, tu peux venir check. Parce que c'est nous la rue, incomparable. Dehors après minuit, j'ai retrouvé l'étude. Au final y'a du bif, garde distance. T'es nos fabuleux gang, c'est nous la triade. C'est nous la triade, c'est nos fabuleux gang. KMR, Roscoe, chaud, il n'est pas 5-20. Dakar, 1-7-7, 9-3-14. La triade, yeah. Laisse les boycotter, ça vole pas haut. Yeah. Wesh les frères, bien ou quoi, l'argent se ramasserait à la pelle dans leur reportage. Mais nous ce qu'on veut c'est se faire la belle. On voudrait partir loin pour fuir nos problèmes. Mais ils nous rattrapent, si on reste les ch'tards nous matraquent. Divisé en deux parties, Iblis nous plonge dans le Coran. L'appel de la prière nous rappelle qu'il y a le Coran. Je crois en ma chance malgré tous mes échecs. Pourtant je touche du bois à chaque fois que je signe un chèque. On voudrait se caser avec une meuf en or. Mais trop de ces michetonneux sont trop attirés par l'or. Je fais le tour du monde à chaque fois que je mate la parabole. Je me dis qu'on n'est pas si mal dans notre métropole. Les villes voisines s'entretuent à la perceuse. Au couteau, les mères pleurent à la marche silencieuse. C'est pas la jungle, c'est pas une vie de bâtard. C'est juste la quotidienne d'un jeune du Tchekar. D'entrée de jeu, j'annonce la couleur. Dans ce monde, me dis pas qu'il faut tenir debout. Ce fait de plus en plus rare, même omniprésent. T'oublie pas, faut combattre, seul le cas où parle. Les mots font mal, faut les manie avec délicatesse, pèse le poids tes mots. Y'a rien qu'empêche que pour un mot déplacé, on te masse. Donc avant de s'engager pour une incompréhension, réfléchis, pèse le pour et le contre de la situation. Vaut pas la peine par contre qu'on te marche dessus, qu'on te manque de respect, ça ne l'accepte pas. Vois-tu, y'a trop de langues pendues qui souhaiteraient voir faire que des faux pas. Faut pas leur donner l'occasion de se moquer de toi. Mais dites-moi, en faisant les choses bien content, combien seront à l'être, y'a plus que des chétanes dans ce monde difficile rempli de porcs. Un remerciement pour The Fly, E-C, M-A-D, M-A-M-I-F-A, S-I-D-I, M-A-M-I-F-A, R-O-S-S. T'as pas les côtes, t'as pas les reins, nigger. C'est peu importe les combinaisons, pour tous les fruits, les saisons. J'ai pas à m'en perdre tant qu'il n'y a pas écrit d'art sur ton blason, gars. Le temps c'est précieux, pourquoi ils se pressent? J'arrive, laisse-moi juste le temps de finir mon expresso. Me stresse pas, me presse pas, écoute et puis dresse-toi. Je te donne ça, mais arrête de jouer le fou pour tes 13 balles. En guise de casse-dalle, j'ai posé sur un hit. J'ai dosé sur l'équipe, je vais tout miser sur les clips. Ta race, ghetto hit parade, même dans ma petite baraque. Je revis aisément, mec, donc reballe ta fucking starak. Pour le blaze, t'as posé le cul sur une braise. Préviens si tu te pars, toi t'aimes trop la faire à l'anglaise, car ASMI le nom d'un nouveau kamikaze. Tant que je fonce pas sur un building, j'ai encore toutes mes cases. Non, c'est pas normal, non. Alors finalement, tu veux te démarquer, quitte à faire les choses anormalement. Difficile de survivre sans sous, tout part chercher partout. Y a-t-il qu'une façon de se faire des sous? Tous les moyens sont bons, inutile de se mettre des bâtons dans les roues. Génération hardcore, les rues deviennent trop speed. Et pour rien, ça se liquide. Un abyss du trafic, garde d'automobile. De plus en plus liquide. Ouais, ouais, la vie devient trop triste. Trop de jeunes cassés par la drogue et l'alcoolisme. Sauf que le putain de système qui me pose problème. Une pile force pour me faire que la justice s'enferme. Bad zone, R.O.S, la triade sur le beat. Vénère, on opère. Des terres pour les bêtes de ceux qui voient la misère. La voix tout soudain, c'est ce que Babylon ouais, déteste. Jadis, je l'aurais jamais checké, mais ce putain de vie c'était inévitable. Car dans ma rue y'a jamais eu de piste. Pour ça, je nique la police. Je nique la justice, je nique leur politique car elle n'est pas faite pour ma clique. Ne te demande pas pourquoi ces gens on les aime pas. Pas de question, débarque dans le check seulement tu comprendras. Blessé par la thune, condamné par l'État. C'est la souffrance des jeunes de cité dans cet état. Il n'y a pas d'échappatoire, tous condamnés par le pouvoir. Ceux qui manifestent se font incarcérer même pour leur part. Certains d'entre nous parviennent à mettre les histoires de côté. Entre temps d'autres problèmes surgissent dans le check-up. C'est des histoires interminables. Tricard de loin parce que je suis noir, c'est normal pour ces minables. Ceux qui ignore, on est des résistants qui résistent jusqu'au bout. Mec, viens nous voir où on réside.